Les fresques en mosaïque figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont érigées dans diverses unités d'activité de la province du Hamgyong du Sud. Les fresques en mosaïque représentant le président et le général au sommet du Baekdu, mont sacré de la révolution, et celles des grands leaders au champ en abondance sont mises sur pied respectivement au centre d'élevage caprin de la jeunesse de la ville de Hamgyong, à la mine de Sangnong et à la ferme coopérative de Sangjung de l'arrondissement de Hamju. Les fresques en mosaïque se thème « Que prospère à jamais mon grand pays, ma patrie » et « Que s'éternise l'union monolithique indéfectible » sont construites respectivement à la ferme coopérative de Chunhul du district de Soudan et à la commune de Kumsa de l'arrondissement de Kumya. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.